9h, votre réveil matin, c'est Francky. Hola, bandez à la planète et la familia. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable nuit, un peu frisquette cette nuit, hein. Normal, au lieu du jour, les températures sont plutôt négatives, hein. Moins 1 degré sur Orléans, Petit-Liège, Jargeau ou encore Fayolloges. On devrait pas dépasser les 3 petits degrés avec de la brume ce matin, des nuages et malheureusement encore de la pluie. La bonne nouvelle, c'est que ça devrait s'améliorer pour ce week-end avec un peu de soleil. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais des températures toute la semaine qui vont rester malheureusement négatives. On va frôler les moins 3, ça sera jeudi, pour ne pas dépasser les 4 degrés. En même temps, c'est l'hiver, c'est le ski qui arrive bientôt, peut-être pour vous aussi. En tout cas, on est là pour vous souhaiter une très très bonne matinée, un bon réveil, un bon petit déj, une bonne douche. Si vous êtes arrivé du côté d'Orléans, eh bien, soyez prudents sur les routes, hein. Ça glisse un petit peu, ouais, sur la Tanche, comme il a plu un petit peu cette nuit. Donc faites gaffe, allez, belle journée, bon réveil avec Laetitia qui nous souhaite une belle matinée. Salut Francky, belle journée à toi. Ben, on est là pour vous souhaiter le rayon du sol. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Et on commence avec mon poteau Grégoire. C'est quand? Ben, c'est tout de suite. Bonne journée, bon réveil. C'est quand que tu viens? C'est quand que tu passes? C'est quand que tu me prends par la main et que tu me dis, allez viens, on se casse? C'est quand la douceur de tes bras chauds? C'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau? C'est quand t'arrives? Dans combien de temps? C'est quand t'arrives et que tu me dis, allez viens, viens maintenant, c'est le moment, dis-moi c'est quand? Cette rengaine imbécile de mon cœur en vacances. C'est quand tu m'emmènes, c'est quand le départ, c'est quand qu'on se promène, qu'on se promène sur une plage à la tombée du soir. C'est quand tu décides, c'est quand que tu oses, c'est quand on le sublime. Nos deux corps enlacés sur des pétales de rose. C'est quand je peux y croire, c'est quand tu m'enlèves. Histoire, c'est quand le conte de fées dont on parle dans les rêves. Oh. Oh. C'est quand tu m'embrasses, c'est quand le désir, c'est quand qu'on se trace sur des routes inconnues à bouffer du plaisir. C'est quand tu m'appelles, c'est quand tu n'hésites plus. Tu me prends par la main et tu me dis, allez viens on se casse. C'est quand la douceur de tes bras chauds, c'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau. C'est quand t'arrives, c'est bien et c'est Francky. Arc-en-ciel.

como 20. Yo te hablo claro para que estemos más claros que el cloro que se quede con los diamantes y el oro que yo soy el globo. One life, two worlds, English, Spanish. One night, two girls, English, Spanish. Para saber más locura, morena, tráigame un lado. Ninguém vai ficar parado. Quiero ver ese futuro. Para saber más locura, morena, tráigame un lado. Tout le monde pour vous réveiller là, Lucenzo, Don Omar, Daddy Yankee, Akon, Pitbull, Vendassa, Coloro. Puis je suis triste hein, parce que hier il y a l'actrice italienne, elle nous a quitté à l'âge de 95 ans, Gina Lolo, Brigida, l'icône du cinéma italien qui est partie. C'est vrai qu'on prend un petit coup, hein, ça nous rappelle des bons souvenirs, notamment dans Fanfan, La Tulipe. Et bien un petit clin d'œil à l'Italie ce matin avec le beau gosse, Eros Ramazzotti et à Po Bella Cova. Servirà di più per dirti. Codes, un petit clin d'œil à cette actrice qui nous a quittés hier, Gina Lolo Brigid, à 95 ans. Ah ouais, je voulais lui faire un petit souvenir comme ça. Céline Dion qui est arrivée, la prière païenne, belle journée et bon dia à la planète. On va en parler, notre invité, il sera avec nous au téléphone depuis Paris. C'est les Philippe Turin. Philippe Turin, grand chanteur de zouk qu'on adore sur Radio Arc-en-Ciel, des années qui vient chez nous à la radio. Et on va parler de lui tout à l'heure, son nouveau single qui arrive dans les bacs. J'y mets tout ce que j'aime, ce que j'espère, tout ce que je crois. Je prie la terre de toute ma voix, mais pas le ciel, il m'entend pas. Mais pas le ciel, trop pour moi. Quand je me réveille, je loue le jour, la vie toujours, toutes ces merveilles. Conseil, 7h24 minutes, belle journée, bon petit déj à vous, c'est le réveil du côté d'Orléans, Saint-Jean-de-Bray, Pithiviers. Courage à vous pour le taf, ça caille un petit peu ce matin, moins 1 degré, on ne va pas dépasser les 4 degrés. Bandit à la planète. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Et puis ne loupez pas le bal de la radio, c'est le samedi 11 février, la Saint-Valentin. Ça sera à l'espace Montition à partir de 20h. Toka and Danza seront sur scène. Il y aura un hommage à Linda de Souza. Viens chanter avec nous, Linda de Souza. Voilà. Cette belle soirée, samedi 11 février, avec ce beau groupe, Toka and Danza. D'ailleurs, on va les écouter. Leur single qui arrive, hein, et on adore sur Radio-Arc-en-Ciel. Belle journée, courage à vous pour le taf. Ils seront sur la scène du 11 février. C'est Toka and Danza. Radio-Arc-en-Ciel, bandé à la planète. Hein. Not 7h29, une soirée de pas louper, le bal de la radio, c'est à Montition le samedi 11 février. Le bal de la Saint-Valentin, ils seront sur scène, Tocan, Damsa, belle journée. Courage à vous si vous allez au taf, couvrez-vous un petit peu ce matin, vous voyez, ça fait un petit peu froid. Et j'adore, c'est Kenji avec Eva sur Radio Arc-en-Ciel. Dans tes yeux les vagues, tout mon amour en grand, dans tes yeux je vois, comme j'ai pas vu avant. Ton regard, mon enfant, est le plus beau des présents. T'as fait de moi un papa. Je n'en reviens même pas. Eve, t'as fait de moi un papa. Papa. Je n'en reviens même pas, Eve,

à mes côtés, unis, soudés, plus que jamais. Si tu savais toutes mes envies, que plus jamais je ne te fuis. Comment ouvrir à ce désir, te dévoiler un jour notre avenir. Bye, l'Orléanais, ça fait du bien de le retrouver à 7h37 sur l'arc-en-ciel. Salut José, salut Carlos qui sont connectés depuis ce matin, qui sont au boulot d'ailleurs. Bon, on vous souhaite plein de courage parce que ça caille un petit peu ce matin. Caliente avec David Pesbal et Sébastien Yatra. Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen no, más intento enamorarte. Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento. Escribirte como un perdedor. Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte. Yo ya di mi parte y aún así no volverás. Y aunque sea difícil ya no verte más, será por mi bien no saber dónde estás. Yo para tus juegos ya no estoy, de otros brazos ya me voy. Porque a partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón. De la musique à 7h41 minutes. La météo. Et ça caille un petit peu ce matin, -0 degré. Les températures sont plutôt négatives au lever du jour. On ne dépassera pas les 4 degrés sur Orléans, Pithiviers, Saint-Jean-de-Bray, La Chapelle-Saint-Mémin, avec un temps nuageux aujourd'hui, un peu pluvieux, brumeux aussi, on va dire, au lever du jour. Les températures seront négatives quasiment toute la semaine en début de matinée pour atteindre les 3-4 degrés jusqu'à samedi, avec une amélioration ce week-end, vendredi et samedi, quelques rayons de soleil. Ça va nous faire du bien, plein de soleil pour vous. Ça c'est le programme, et puis le meilleur de la musique pour bien vous réveiller. Ouais, tout en douceur. Il nous a quitté il y a 20 ans bientôt, imaginez-vous. 20 ans, bah ouais, ça passe. Barry White, Let the Music Play. Belle journée, bon courage pour le taf.

Ah, on l'adore, on les adore, toute la famille là, Laps, Gims, Best Life, Best Life. On allume les briquets, on jette dans la foule ce matin. Renette avec vous, c'est Francky dans la radio. Je vous souhaite une agréable journée, un bon petit déj si vous venez d'arriver sous la douche peut-être, avec le meilleur du son ce matin. Ed Sheeran avec Perfect et Beyoncé. Ah, ça fait du bien aux oreilles. Bon réveil, c'est Francky. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up. Time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Secrets to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be. Future in your eyes. Well, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, don't deserve this, darling, you look perfect tonight. Ah, y a tout le monde là, y a Beyoncé avec Ed Sheeran, Perfect, quelle magnifique chanson. Il y a 15 ans, il nous quittait, le chanteur Carlos. Bah oui, vous vous rappelez, Papayou, bah voilà, il y a 15 ans, ça passe hein, à une vitesse quand même. Il sera notre invité au téléphone dans quelques minutes. Voici son premier hit, Amour caché, Philippe Meturin. Depuis Paris, on sera avec lui. Il va nous parler du nouveau single qui arrive. C'est difficile de préserver un amour qu'on ne veut pas exposer, mais il y aura toujours quelqu'un pour répéter, on fera tout pour éviter cela. La dîner est sortie en amoureux, je crois que c'est vraiment le prix à payer. Oh oui, je voudrais vivre un amour caché, je voudrais vivre un amour secret, je voudrais vivre un amour à deux, pour vivre avec toi. Je voudrais vivre un amour caché, je voudrais vivre un amour secret, je voudrais vivre un amour. Pour qu'ils puissent te dénigrer, c'est pour cela que je dis à tous ceux préserver leur amour secret. Comme disait la devise et le dicton, pour vivre heureux vivant. Je voudrais cacher un amour caché, je voudrais vivre un amour secret, je voudrais vivre un amour à deux. Pour vivre avec toi, je voudrais vivre un amour caché, je voudrais vivre un amour secret, je voudrais vivre un amour. Peut-être 8h01, on est en direct, il sera avec nos téléphones depuis Paris dans quelques minutes. C'est lui, Philippe Etura. Ah, il va nous parler de son nouveau hit, Sorti entre filles. Nouveau Zouk Love qui arrive dans les bacs et je peux vous dire, c'est du bon. Au téléphone avec nous depuis Paris, Philippe Etura. Et juste avant, c'est Nicky Mekayam. William sur Radio Arc-en-Ciel. Merci d'être nombreux le matin à nous écouter sur Orléans, Saint-Jean-de-Bray. Ça nous fait plaisir de vous retrouver tous les matins, 7h, 9h, avec des invités. Et puis ce matin, bah, c'est Philippe Méturin, il arrive en direct. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. C'est maintenant et j'ai envie de l'accueillir. Bonjour Philippe Méturin. Bonjour Francky, bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. On y est avec la joie et la bonne humeur. Et voilà, bah toi en tout cas tu l'as la joie et la bonne humeur dès le matin. Yo, quelle patate ce matin. On est super content, et... on est super content. Il y a le bébé qui est arrivé là tranquillement, ben voilà. Ah ouais, ah bah félicitations alors. Hein. Merci. Ah bravo, un petit Méturin alors. Non, parlant du bébé, c'est-à-dire parlant du... Ah ouais, le bébé il est arrivé, le disque, mais moi je pensais que t'avais un bébé, moi. Eh, ça aurait pu le faire quand même, Philippe. Oui, ça aurait pu le faire. Bon, ça va, ça s'est bien passé la nouvelle année pour toi? Oui, tranquillement, en famille, ça s'est super bien passé, tranquillement. Ouais, ouais, c'était tout calme, tranquillement, ouais. Voilà, en famille, voilà. Et il dure, Philippe Méturin qui dure, perdure dans la carrière de Zouk. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Alors, c'est vrai, j'ai joué il y a quelques minutes, ce titre-là où je t'ai connu, c'était ça. Rappelle. Ah oui. Ah ouais. Ah, celui-là. Je voudrais vivre un amour caché. Ah, l'amour caché. Celui-là, il a marqué les esprits, Philippe. Ah oui, celui-là m'a bien marqué. Ah oui, ça marche. Ça ouais. Marche super bien marché. Bon, ça y est, nouveau bébé, comme tu le disais, donc pas dans le sens humain, mais dans le sens physique. Single. Un nouveau single. Nouveau single. J'ai pris le temps, j'ai pris pas mal de temps pour travailler un petit peu et j'ai carrément changé de programmateur, j'ai changé de choriste, ouais. J'ai tout changé. J'ai changé un petit peu aussi le style de la musique maintenant avec les nouveaux sons. Voilà, j'ai mis vraiment. Moi j'ai essayé de faire quelque chose de nouveau son, nouveau groove. Mais qui reste un peu dans l'esprit tendance, Zouk. Nouvelle tendance parce que c'est vraiment la tendance avec le. J'ai changé aussi le pied, la basse, enfin j'ai changé un petit peu toute la mouvance. Et c'est un peu la tendance du Zouk nouvelle génération qu'on Ouais. Pour toi, il y a un nouveau Zouk, nouvelle génération, ça y est, ça arrive. Ouais, ça revient, effectivement. C'est le Zouk avec le gros pied, je sais pas si t'as remarqué, avec une basse, basse aussi, parce que la basse, ça tape aussi quand tu en vois. Bien sûr, hein. Le gros pied, la grosse basse. Et le rythme aussi, on a tout changé, on a tout changé le style. Et même les guitares aussi, voilà, on a tout changé. C'est-à-dire, c'est le Zouk d'aujourd'hui, voilà. C'est le Zouk, c'est la couleur un peu R&B Zouk, mais c'est un mélange de Zouk. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on on peut l'écouter à la radio. On peut le danser en boîte ou alors dans les soirées. Voilà. Toi, ta carrière a toujours été autour du Zouk? Toujours autour du Zouk, oui, parce que, bon, ben, voilà, comme je suis des Antilles, j'essaie de défendre un petit peu... Tu veux pas faire du hard rock, c'est sûr. J'essaie de défendre la couleur du Zouk, et je trouve aussi, je voulais faire un grand coucou aussi à un pote aussi, qui continue dans sa lancée aussi, qui défend un petit peu cette couleur de Zouk, mais à sa manière, et je trouve qu'il le fait super vraiment bien. C'est vrai. Ouais, super vraiment bien, et je trouve ça très bien. Et bon, ben voilà, sinon, bon, je continue gentiment à continuer à faire ce que je maîtrise assez bien, qui est le Zouk. Des fois aussi, il y a quelques fois aussi, ça m'arrive de faire un petit peu. J'avais un titre reggaeton aussi que j'avais fait aussi, j'avais sorti aussi, qui était pas mal. Et là, ben, c'est un album Zouk qui va arriver. Alors, je tenais à dire aussi. C'est la première radio. Ça fait plaisir. Qui a ce titre, et voilà, c'est l'exclusivité vraiment à Paris. Et voilà. Alors, juste avant qu'on s'écoute le titre, avant de se quitter, mon Philippe, le titre s'appelle Sortie entre filles. Voilà. Alors, pourquoi? Explique-nous un petit peu l'histoire, là. Tu sais, assez souvent, on voit. Parce que moi, je regarde un petit peu la tendance, parce qu'on voit pas mal de filles qui aiment sortir ensemble, et des fois quand les filles veulent sortir, et les hommes qui veulent intégrer aussi le groupe de filles, mais assez souvent les filles ils aiment bien être entre filles. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Voilà, sortir, aller faire un petit tour au bowling, aller faire du shopping, aller au cinéma, et après aller voir Frankie, aller danser en boîte. Frankie qui mixe. Voilà, tout ça se passe entre filles et voilà. Alors il dit ils se disent bon ben voilà. Bon, mon doudou, tu restes à la maison, on sort entre filles, t'inquiète pas de jalousie, voilà, il y aura pas assez entre filles, on s'amuse, voilà. On va faire un petit after après chacune d'entre elles rentre chez eux, et voilà, et c'est terminé, une soirée entre filles, voilà. Voilà, c'est un album qui arrive, Philippe? C'est un album qui arrive avec 5 titres plus version karaoké, ouais. Et tout ça chanté en français avec des différents termes. Il y a As de pique, il y a Femme battue, une histoire de... Ah ouais, ça c'est comme... Sur l'histoire un peu actuelle, on va dire. Ouais, actuelle, ouais. Effectivement, ouais. Femme battue. Sans préavis, c'est une histoire d'un ami qui a été licencié sans préavis. Tout ça avec la nouvelle couleur du zouk. Et chanté en français. Tout, c'est un album qui est chanté en français avec la nouvelle tendance du zouk. Mais tu vas voir ça. On va l'écouter dans quelques secondes. Là, on va l'écouter. J'ai l'impression que le zouk en France, il revient de plus en plus. Là, il y a une petite perdition. Et là, tout à fait. J'ai l'impression que ça y est, ça commence à revenir. Ça commence à revenir. Et même j'ai remarqué même les rappeurs, les gars qui font. Mais t'as bien vu même Anna Rakamura. Ah ouais. Commence à faire un peu de zouk, ouais. Voilà, un peu de zouk, t'as vu, ça revient en force, hein. Il y a beaucoup. Et pourquoi pas un jour un Philippe Métura avec un duo, ça serait qui si tu devais faire un duo, une fille ou un mec Avec un mec, j'aurais bien aimé, parce que je te jure, j'aime beaucoup ce qui fait Kinvé. Ouais. Et ouais, j'aime beaucoup. Et j'aimais beaucoup aussi, j'avais fait un truc aussi, la première partie de, je me souviens de, comment ça s'appelle, Matt Houston, lui aussi qui reviennent aussi sur la scène. Ouais, j'aime bien, ouais. Je vois bien, mais un truc qui on m'a tout stone le faire un truc avec eux. Ça serait sympathique, bien. Ouais, ça serait bien. Ouais. Ça serait bien de te voir sur scène avec Matt ou alors Kinvé. Voilà. Bon, bah écoute, Philippe, on va s'écouter ton nouveau single si tu veux bien. Ouais, avec plaisir. Alors, comme tu me disais hier, c'est l'exclusivité, hein. Tout à fait. On est la première radio. On est chanceux de t'avoir ce matin. Merci. Hein, toute première radio. Voilà. Sortie entre filles, le nouveau Philippe Métura. Voilà. Tu passes en 3 minutes, on se retrouve juste derrière. Ok, ça marche. Et ben tout de suite, voici le nouveau Philippe Métura sur un arc-en-ciel. Vous pouvez brancher les enregistreurs parce que c'est la première fois que vous l'écoutez. Voilà. Et on se retrouve juste après, ça dure 3 minutes, bougez pas. Philippe Métura, à tout de suite Philippe. À tout de suite. Avec mes copines ce soir, je te l'avais dit, je ne vais pas rentrer trop tard ce soir, je te l'ai promis. Ne sois pas jaloux, fais-lui confiance, c'est juste une soirée entre potes en France. T'as du coup, c'est pas bien grave, je te l'avais dit. Elles iront d'abord faire du shopping et après faire un tour au bowling. Si tout le monde est chaud pour un ciné, elles vont décider. Je sors avec mes copines ce soir, je te l'avais dit. Je ne vais pas rentrer trop tard ce soir, je te l'ai promis. Je sors avec mes copines ce soir, je te l'avais dit. Je ne vais pas rentrer trop tard ce soir, je te l'ai promis. De soirée en boîte de nuit, elles vont s'amuser, se défouler, elles vont se lâcher. Elles iront sans doute vers un acteur et parler de cette belle soirée. Après un bon repos bien mérité, elles vont rentrer. Je sors avec mes copines ce soir, je te l'avais dit. Je ne vais pas rentrer trop tard ce soir, je te l'ai promis. Tonight I'm going out with my friends. we're going to have fun. It's going to be hot. Na na na na na na na na. Elles sont bien décidées. Prête à tout casser. Je sors avec mes copines ce soir. Je te l'avais dit, je te l'avais dit. Je ne vais pas rentrer trop tard ce soir. Je te l'ai promis, je te l'ai promis. Je sors avec mes copines ce soir. Je te l'avais dit, je te l'avais dit. Radio Arc-en-Ciel en exclusivité, le tout nouveau Philippe Pétura qui est avec nous au téléphone encore d'ailleurs. Salut Philippe, oh, bonjour. Ça swing. Ça donne envie, hein. Ça donne envie. Ah ouais, j'écoutais là, effectivement, ça chaloupe bien. Hein. Ça chaloupe, comme tu le dis. Là, c'est vraiment dédicacé aux filles, entre elles, hein, pour les sorties. Voilà, ouais. C'est ça. Ouais. C'est super dédicace. C'est une spéciale dédicace pour toutes les filles qui veulent sortir entre filles. Ouais, et puis et j'ai un pressentiment qu'il y en a de plus en plus des filles qui font les soirs entre elles. Ah oui, hein. Beaucoup. Ouais. Surtout sur Paris, toi qui es sur Paris. Hein. Oui, tout à fait. Elles veulent sortir entre eux. Bon, ben voilà, aller faire déjà faire du shopping, comme j'ai dit. Ah ouais, le shopping. Aller faire un petit tour au bowling. Ouais. Ensuite, si tout le monde est chaud, aller faire un petit tour au ciné. Et après, direction la boîte de nuit. Hein, ouais, voilà. Pour avoir Francky. Pour le mix. Et après, elles s'amusent. Et après, voilà. Un petit after entre filles. Voilà, ça discute, ça parle de cette belle soirée. Et après, voilà. Chaque personne. Chacune d'entre elles, ils rentrent chez eux tranquillement. Voilà, une soirée tranquille. Voilà. Moi, je pense que ça se fait effectivement assez. Ouais, ça se fait un petit peu. Beaucoup plus sur Paris. Beaucoup plus sur Paris, ouais. Parce que bon, c'est plus grand déjà, ça c'est sûr. Mais Orléans, ouais, ça commence à bouger un petit peu comme ça. Ouais. Et ben voilà, le nouveau. Ça va plaire et voilà. Et bon, on espère que le nouveau single va plaire. Sorti entre filles de Philippe Métura, voilà. Sur un arc-en-ciel. On l'écoutera avant 9h une deuxième fois. Merci de nous avoir consacré ces quelques minutes. Merci beaucoup. Merci à toi, Francky. Merci à tous les auditeurs. Et on se dit à très bientôt. Et voilà. Et bonne écoute à tout le monde. Salut Philippe Métura. Merci. Salut Francky. Merci. Belle journée à toi. Ouais, on va l'écouter avant 9h. Le nouveau Philippe Métura. Te digo de mi parte. Que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo. Él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Y la novia siento tuyo. Que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Y la novia siento tuyo. Que eres una porquería. Ven caliento más. ¿Quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía. Nadie lo hace como yo. Si te viste bonita, no te dice nada. Y a mí tú me gustas de así maquillar. Tú siempre a mí me dices que te trata mal. Y eso lo tienes que acabar. Dime qué tú vas a hacer. A mí tengo una inquietud. Si quieres sufrir con él, eso lo decides tú. Feliz con él, yo no te contestaré. Sé que me vas a llamar cuando me extrañes. métala y se va. Cuando la escuche, quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviacito tuyo que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviacito tuyo que eres una porquería. Te caliento más, mamá, te caliento más. Caliento más, caliente. Ce matin, il fait pas chaud, hein. Bah ouais, on vous l'a dit, hein. Les températures sont négatives au lieu du jour. Et on va pas dépasser les 4 degrés. Enfin, un petit point météo. La météo. La glace ce matin, un petit peu frais quand même, à moins 1,0 degré sur Orléans, La Chapelle, Saint-Mémin ou encore Olivet. Les températures qui vont grimper tout doucement, mais alors vraiment tout doucement. On va pas dépasser les 4 degrés aujourd'hui. Je regarde cette semaine, un peu négative les températures. On va pas dépasser les moins 1 jusqu'à 3-4 degrés l'après-midi. Le soleil devrait faire son apparition normalement ce week-end, vendredi et samedi. Un petit peu de rayons dans le sol pour bien réchauffer tout ça. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et la deuxième, c'est du son qui va vous réchauffer avec Rek sur Radio Arc-en-Ciel, et on adore, c'est mon coup de cœur de la radio, Rek Maluma, baby. Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que eres. Te presto mis manos para que toques las nubes si quieres. Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan. Ibas caminando con un par de amigas más hacia la juguetona. Como que no quieres la cosa, me tiraste una mirada misteriosa. Yeah. Mátame con esa boquita, embriágame con tu cuerpo, ven, sedúceme. Quitémonos ya la ropa, casi desnuda te ves más sexy. Para mí tú eres mi lady, yo soy tu maluma, baby. Amigos con derecho a tu buen provecho. Ya no te pido que qu'on adore sur Adapotiel. Rec Maluma en direct ce matin. Coucou Adeline qui est là, coucou Elvis, coucou à Josie qui est là aussi. Merci d'être aussi nombreux tous les matins à nous suivre. Ça me fait plaisir. C'est Francky dans la radio. Je vous accompagne au boulot sur le chantier ce matin. Justement, José qui est déjà parti sur le chantier. Bah, salut mon José. Belle journée, bon réveil avec le meilleur des souvenirs. Christophe Willem. Ah là, ça passe plus de 10 ans déjà. Imaginez-vous. Double jeu, le remix de la radio. Courage à vous pour le taf et bon petit déj. Là, forcément, ça vous rappelle des bons souvenirs. La tortue, comme on l'appelait, Christophe Willem, il a changé quand même. Ah, bah, il a vieilli aussi. Hein. Le meilleur des souvenirs avec Dubal. Je vous rappelle la grosse soirée de la radio. C'est le 11 février, la Saint-Valentin. Le bal de la radio arc-en-ciel, c'est à l'espace Montition. On vous attend nombreux et nombreuses. Ils seront sur scène. Toka and Danza, 11 février. Le bal de la radio, le bal de la Saint-Valentin, c'est avec Radio Arc-en-Ciel. Et on sera là pour faire la fête avec vous. Vamos, bailar. Belle journée. Thank you. va être une belle et une pure soirée, la Saint-Valentin, avec Radio Arc-en-Ciel, samedi 11 février à l'Espace Pontition. Ils seront sur scène, Toka et Dansa. Et puis, il y aura un hommage aussi à Linda de Souza. Voilà, on sera là pour faire la fête avec vous. Venez nombreux et nombreux nous rejoindre à l'Espace Pontition. C'est le samedi 11 février. Et c'est à 20h30 avec la fiesta avec Toka et Dansa. On adore ma petite sœur de Paris que j'aime. Oh, I love you. 8h30. Petite sœur Leslie et Eli Ayama. Depuis que c'est terminé, je t'ai cherché. Tant d'autres hommes, aucun n'a pu me saisir comme je me suis saisie de toi. C'est la petite sœur Leslie avec Eli Arma. Tu me manques. Bah ouais, vous m'avez manqué hier, j'étais pas là, mais vous m'avez manqué quand même. Je peux vous le dire. Coucou à Eduardo qui est connecté du côté de Saint-Privé. Salut Francky, belle journée à toi et bon réveil. Bah moi je suis réveillé depuis 6h mon ami. Hein. Ah ouais ouais, il faut y aller au boulot là. En tout cas, on vous souhaite une très très bonne matinée, un bon petit déj, courage à vous. Si vous êtes sur les chantiers là, monsieur Faria qui est là aussi, salut monsieur Faria, la famille, Bandi à la planète.

mais la culpa, on adore Luis Fonsi, Demi Lovato sur Radar en Ciel. 8h44, coucou à Chantal qui est connectée. Salut Francky, belle journée. Belle journée Chantal, et le nouveau Maluma qui arrive et on adore déjà. Ya que estoy tomado, pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado. Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea. Y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabes que me cuesta decir lo que siento. Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio, pa' pedir perdón, tengo que estar ebrio. Ya que sobrio no me da. Supuestamente por olvidarte, yeah, yeah. Pero es obvio que me duela que me tengas odio. Si a última hora no fui tan mal novio, te pienso borracho y lo escondo de sobrio. Yo te quería para matrimonio, pero le estás dando a esto un velorio. Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio, ya que sobrio no me da. Avec le temps un petit peu pourri, ouais, de la pluie, malheureusement, des nuages, et les températures qui vont pas dépasser les 4 degrés, mais on aime bien ce petit Maluma sur un arc-en-ciel. On vous souhaite une très très bonne matinée si vous venez d'y arriver du côté d'Orléans, 8h48 minutes avec Mathuston, et puis on s'écoutera le nouveau Philippe Métura qu'on avait au téléphone tout à l'heure depuis Paris, le roi du zouk, le nouveau Philippe Métura, en exclu sur un arc-en-ciel, c'est juste avant 9h. Je sais, faut pas oublier. Oh, oh, oh. Reste positif dans nos têtes, faut pas oublier. Oh, oh, oh. Ma brother, ma sister, même si c'est pas easy. Oh, oh, oh. Reste positif dans nos têtes, faut pas oublier. Papa t'a dit de ne pas oublier. Yeah, yeah. Jolie. Les femmes sont fortes aujourd'hui. Si tu tombes, tu te relèves à rien.